Arthur Rimbaud, lettre à Georges Isambard du 13 mai 1871, dite « Lettre du voyant ». Charleville, mai 1871. Cher monsieur, vous revoilà professeur. On se doit à la société, m'avez-vous dit. Vous faites partie des corps enseignants. Vous roulez dans la bonne ornière. Moi aussi, je suis le principe. Je me fais cyniquement entretenir. Je déterre d'anciens imbéciles du collège. Tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole, je le leur livre. On me paie en boc et en fille. Stat mater dolorosa, dum pendet filius. Je me dois à la société, c'est juste, et j'ai raison. Vous aussi, vous avez raison pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective. Votre obstination à regagner le râtelier universitaire, pardon, le prouve. Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant rien voulu faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, j'espère, bien d'autres espèrent la même chose, je verrai dans votre principe la poésie objective. Je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris. Travailler maintenant? Jamais. Jamais. Je suis en grève. Maintenant, je m'en crapule le plus possible. Pourquoi? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est fou de dire « je pense », on devrait dire « on me pense », pardon du jeu de mots. « Je » est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon et nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait. Vous n'êtes pas enseignant pour moi. Je vous donne ceci. Est-ce de la satire, comme vous diriez? Est-ce de la poésie? C'est de la fantaisie, toujours. Mais je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée. Le cœur supplicié. Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal. Ils y lancent des jets de soupe. Mon triste cœur bave à la poupe. Sous les colibets de la troupe qui lance un rire général, mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal. Ityphaliques et pioupiesques, leurs insultes l'ont dépravé. À la vesprée, ils font des fresques. Ityphaliques et pioupiesques, ô flots abracadabrantesques, prenez mon cœur qu'il soit sauvé. Ityphaliques et pioupiesques, leurs insultes l'ont dépravé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir au cœur volé? Ce seront des refrains bachiques, quand ils auront tari leur chic. J'aurai des sursauts stomachiques si mon cœur triste est ravalé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir au cœur volé? Ça ne veut pas rien dire. Répondez-moi, cher monsieur de Verrières, pour Arthur Rimbaud, bonjour de cœur.